Ouais, c'est drôle les idées qu'on a quand on est petit. Vous savez ce que je voulais être, moi, quand j'étais petite? Je voulais être infirmière et actrice. Infirmière pendant le jour et actrice le soir. Moi aussi, j'avais des idées plutôt bizarres. Quand j'étais petit, quand j'avais 7 ou 8 ans, je voulais être pompier. Pour rouler à toute vitesse dans les rues et faire beaucoup de bruit. Monter en haut de la grande échelle et plonger dans une fenêtre ouverte qui crache des flammes et de la fumée. Et sauver les bébés endormis au milieu des flammes. C'est drôle les idées qu'on a quand on est petit. C'est drôle les idées qu'on a quand on est petit. C'est drôle. C'est drôle les idées qu'on a. C'est drôle les idées qu'on a quand on est petit. Je voulais être infirmière et actrice. Je voulais être infirmière et actrice. Infirmière pendant le jour et actrice le soir. Infirmière pendant le jour. Et actrice le soir. Qu'est-ce que Mireille voulait être quand elle était petite? Infirmière et actrice. À quel moment est-ce qu'elle voulait exercer ses professions? Elle voulait être infirmière le jour et actrice le soir. Ah, moi aussi, j'avais des idées plutôt bizarres. J'avais des idées plutôt bizarres. Moi aussi, j'avais des idées plutôt bizarres. Qu'est-ce que Robert pense maintenant des idées qu'il avait quand il était petit? Il pense qu'elles étaient bizarres. Quand j'avais 7 ou 8 ans, je voulais être pompier. Je voulais être pompier. Quand j'avais 7 ou 8 ans, je voulais être pompier. Qu'est-ce qu'il voulait faire quand il avait 8 ans? Il voulait être pompier. Je voulais être pompier pour rouler à toute vitesse dans les rues. Pour rouler à toute vitesse dans les rues. Et faire beaucoup de bruit. Et faire beaucoup de bruit. Monter en haut de la grande échelle. Monter en haut de la grande échelle. Et plonger dans une fenêtre ouverte qui crache des flammes et de la fumée. Et plonger dans une fenêtre ouverte. Et plonger dans une fenêtre ouverte. Une fenêtre ouverte qui crache des flammes. Une fenêtre ouverte qui crache des flammes. Et de la fumée, de la fumée. Pourquoi voulait-il être pompier?